Bonjour et bienvenue au TF Podcast, le podcast du thé féministe. Installez-vous, versez-vous une boisson chaude. Nous, sans surprise, c'est du thé. Allez, c'est parti. Bonjour Sarah, comment tu vas ? Bonjour Laura, bien et toi ? Ça va bien aussi, merci. Dans cet épisode, on va continuer à parler d'éducation sexuelle après avoir parlé du tabou sur les règles. Et aujourd'hui, on va plus précisément vous parler de la vulve. Sarah, est-ce que tu veux bien nous dire comment tu as décidé d'aborder ce sujet ? Bien sûr. Je vais d'abord décrire la vulve, puis le vagin. Je parlerai ensuite des sécrétions produites par cette région du corps. Et j'aborderai, enfin plus en détail, le clitoris et l'hymen, avant de conclure avec un point hygiène. D'accord. Pour cette émission, si vous pouvez et que vous vous sentez à l'aise de le faire, n'hésitez pas à prendre un miroir et regarder votre vulve en même temps que vous écoutez le podcast. Et donc, pour commencer, Sarah, ça ressemble à quoi une vulve ? Alors, on va décrire la vulve aujourd'hui comme si c'était quelque chose de plat, mais évidemment, c'est quelque chose qui est en trois dimensions. Première chose, une vulve, c'est comme le visage, il n'y en a pas deux pareils. Toutes les vulves sont toutes uniques. Les parties sont plus ou moins longues, plus ou moins fines, plus ou moins rembourrées par de la graisse, la chair est plus ou moins foncée, tirant plutôt sur le brun ou sur le violet. Ensuite, pour vous donner une certaine représentation, on peut imaginer la vulve comme un classeur qui s'ouvre sur deux intercalaires. Les lèvres, les plus proches des cuisses, sont appelées les grandes lèvres et elles forment la couverture du classeur, la partie extérieure du classeur. Ces grandes lèvres sont poilues sur leur face extérieure et glabres, ça veut dire sans poils, sur leur face intérieure. Je précise d'habitude. Il y a des variations. Alors, elles se rejoignent à la partie la plus basse du ventre, qui est le mont Vénus. Là où on sent un os, qui est le pubis. Sur le mont Vénus, il y a aussi des poils qui peuvent soit s'arrêter sur une ligne horizontale, soit remonter vers le nombril. À cet endroit, on trouve aussi davantage de graisse sous la peau pour amortir les chocs éventuels sur le pubis. Si on suit les grandes lèvres dans l'autre sens, donc plus vers le bas ou vers l'arrière, elles ne se rejoignent pas tout à fait. Elles se poursuivent plutôt vers les fesses, chacune de son côté. Et là aussi, il y a des poils. Juste pour résumer, sur les poils, on en trouve où exactement ? Pratiquement partout. On va en trouver sur le mont Vénus, parfois un peu en bas du ventre, donc sous le nombril, sur la face externe des grandes lèvres, à l'intérieur des cuisses, sur les fesses, sur le pourtour de l'anus et dans la raie des fesses, aussi appelée le sillon interfessier. Maintenant qu'on a vu les grandes lèvres, entre elles, on trouve les deux intercalaires du classeur dont on vous parlait juste avant, les petites lèvres. Les petites lèvres existent dans toutes les variations possibles, symétriques ou asymétriques, dépassant les grandes lèvres ou restant plus à l'intérieur de la vulve. Des fois, c'est une seule des deux qui va dépasser et l'autre qui va rester au chaud à l'intérieur. J'en profite pour préciser que c'est assez courant d'avoir des petites lèvres qui dépassent des grandes lèvres. Et que si on vous dit le contraire, c'est faux et c'est une idée préconçue à cause de l'industrie pornographique. Les petites lèvres peuvent être plus ou moins foncées, tirant vers les marrons bruns ou plutôt vers les rouges violets. Elles n'ont généralement pas de poils. Elles peuvent être plutôt lisses ou bosselées. Et elles peuvent subir des modifications de forme suite à un accident ou un accouchement. Les petites lèvres se rejoignent en haut pour former le capuchon du gland du clitoris. Et elles se rejoignent en bas pour former la fourchette vaginale, qui est comme un petit repli de peau à l'entrée du vagin. Et du coup, si on écarte les petites lèvres, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur ? Alors, quand on les écarte, on tombe sur le vestibule qui est très précisément formé de tout ce qui est entre les petites lèvres, mais en dehors du vagin. Donc, en haut, il y a le gland du clitoris entouré par son capuchon. Le gland du clitoris peut dépasser et avoir des tailles très différentes d'une personne à une autre, et c'est tout à fait normal. Un peu plus vers le bas, on trouve un petit trou qui est le méa urétral. C'est le tuyau spécifique à l'urine. Dans la fin de l'urètre, donc juste avant le méa urétral, vraiment dans le tuyau, il y a les glandes de Skene. Ces glandes servent à la lubrification et peuvent parfois être à l'origine de l'éjaculation par la vulve. En dessous de ce tuyau qu'est l'urètre, il y a une petite peau un peu rugueuse qui se prolonge à l'intérieur du vagin, en dessous du pubis, et qui constitue le début de la face antérieure du vagin. À l'intérieur du vagin, donc toujours sur cette peau rugueuse, 2 ou 3 cm à l'intérieur, on trouve le point G, G pour Greffenberg. Ce point est en réalité un des prolongements du clitoris. Puisqu'on parle de point G, est-ce qu'on peut faire un petit mot sur l'orgasme ? Oui. Grande révélation, il n'y a pas d'orgasme clitoridien et d'orgasme vaginal. En fait, l'orgasme dit vaginal est déclenché par la stimulation de la partie interne du clitoris, et l'orgasme dit clitoridien est déclenché par la stimulation de la partie externe du clitoris, celle qu'on voit, qui est en fait le gland dans son capuchon. Du coup, si on résume, seul l'orgasme clitoridien existe, soit il est interne, soit il est externe, c'est ça ? C'est ça. Alors, il est soit interne, soit externe, mais il peut être aussi combiné. For the win. Si on revient au vagin. Le vagin est le tuyau par lequel transitent les règles. C'est donc là où on met les cups et les tampons. Les glaires cervicales et la lubrification intravaginale transitent également par le vagin. Le bébé, en naissant, passe également par le vagin en cas d'accouchement par voie basse. Petit disclaimer, par voie basse, ça veut juste dire par le vagin pour les gens qui veulent pas dire vagin. Sur le plan du plaisir, on peut y insérer des doigts, des sextoys ou un pénis. Sous l'entrée du vagin, on arrive sur la fourchette qui ferme le V vaginal, donc enfin le vagin quoi. De chaque côté de cette fourchette, il y a les glandes de Bartholin qui aident à la lubrification aussi. Ensuite, il y a un peu de peau entre la fourchette vaginale et l'anus. On appelle cette partie le périnée, un peu par abus de langage. En vérité, le périnée est l'ensemble des muscles, des peaux et des tissus qui ferment le corps en bas du ventre. À cet endroit du périnée, il y a des muscles en forme de 8, avec le rond du devant qui entoure le vagin et le rond du derrière qui entoure l'anus. C'est comme ça qu'on se retient de faire caca et qu'on peut resserrer son vagin. Et les fibres des deux ronds se croisent au niveau de ce fameux petit périnée qui est du coup un peu dur au toucher parce qu'il est très musclé. Derrière, on trouve l'anus qui est l'orifice spécifique au caca, mais on peut aussi s'en servir pour avoir du plaisir, que ce soit avec des doigts, un pénis, des jouets spécialement conçus, toujours avec un maximum de lubrifiant, car cette zone ne se lubrifie pas naturellement. Attention, les jouets spécialement conçus pour le plaisir anal ont une forme différente des jouets conçus pour les autres formes de plaisir pénétratif, si on peut dire. Dans le sens où, pour l'anus, il y aura toujours une partie évasée vers l'extérieur donc, du jouet pour éviter qu'il ne soit aspiré par le rectum et qu'on ne puisse plus le récupérer que par voie chirurgicale. Faites attention. Alors enfin, il y a la raie des fesses avec le coccyx, un os qui peut se fracturer en cas de chute sur les fesses. Sarah, est-ce qu'on peut revenir un peu plus en détail sur le clitoris, cet organe qui est trop souvent méconnu ? Oui, bien sûr. Le clitoris est formé de deux sortes de tissus érectiles. Érectile, ça vient du verbe ériger qui veut aussi dire se dresser ou dresser. Donc, les deux sortes de tissus érectiles sont les corps caverneux et les bulbes vestibulaires. De face, de haut en bas, on voit le gland, qui est la seule partie visible sous le capuchon, donc à l'extérieur, quand on regarde la vulve. Ensuite, ça se prolonge derrière avec le coude, puis le corps, et enfin la hampe. Cette partie ressemble un petit peu à la tête et au cou d'un cygne. Ensuite, ça se divise en deux, et ça donne les deux piliers ou racines du clitoris, qui entourent les deux bulbes vestibulaires. Les bulbes vestibulaires entourent le vagin, et aussi l'urètre au passage. C'est pour ça qu'on peut ressentir du plaisir par stimulation intravaginale. Le clitoris est le seul organe dédié uniquement au plaisir. Il existe chez toutes les mammifères femelles et peut être positionné à l'intérieur du vagin chez plusieurs espèces. Chez nous les humaines, il est à l'extérieur du vagin. En moyenne, chez les humaines et les humains, le clitoris fait environ 10 cm au repos et jusqu'à 12 cm en érection. Pour que ça soit plus visible pour vous, dans la description de l'émission, vous trouverez également un lien vous renvoyant vers une image en 3D du clitoris. Comme ça, vous pourrez un peu plus voir à quoi ça ressemble. Et pour les gens qui l'ont jamais vu, c'est toujours assez surprenant quand on voit à quoi ressemble un clitoris en vrai pour la première fois. Oui, c'est émouvant. Pour finir sur la partie externe, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'hymen, s'il te plaît ? Oui, alors, je vais me fâcher. Pour défaire une idée préconçue, l'hymen, ce n'est pas un opercule. Opercule, dans le sens, le truc, quand on ouvre la bouteille de lait, il faut... Voilà, quoi. Si c'était le cas, si c'était un opercule, les règles ne pourraient pas s'écouler. L'hymen imperforé, donc le fameux opercule, c'est une sorte de malformation et ça nécessite souvent une intervention chirurgicale pour permettre aux règles de s'écouler. Car si le sang s'accumule dans le vagin, il peut causer une forte douleur, voire parfois une impossibilité douloureuse de faire pipi. L'hymen ne démontre en rien la virginité, car certaines personnes naissent sans hymen. L'hymen peut être très souple, et donc ne pas se déchirer, ou bien il peut se déchirer en dehors de tout rapport sexuel, et il peut disparaître aussi tout seul à la puberté du fait des changements hormonaux. Il peut aussi disparaître avec l'utilisation de sextoys. Par contre, les tampons ne déchirent que rarement un hymen. L'hymen vient dans toutes les formes, quand il est là. Il peut être perforé, comme une passoire, ou bien transverse, c'est-à-dire que seule une petite languette relie les deux côtés, dans le vestibule à l'entrée du vagin. Ou bien, il peut être micro-perforé, donc avoir un seul petit trou. Et l'ensemble de ses formes est parfaitement normal. Et vu qu'on parlait de virginité, ce concept est un mythe. On peut avoir toujours un hymen et ne pas être chaste. Le sexe, ce n'est pas que la pénétration vaginale. Le concept de virginité est un mythe patriarcal qui a été construit pour contrôler la sexualité des femmes et sert aussi à délégitimer la sexualité des lesbiennes qui ne feraient pas de vrai sexe sans un pénis impliqué. Bien entendu, ce type d'idée est par ailleurs complètement transphobe puisque cela ignore le fait qu'une femme peut avoir un pénis. Et puis on ne peut ignorer le fait que le culte de la virginité facilite la vie aux hommes qui souhaitent une femme vierge afin qu'elle ne puisse pas se rendre compte facilement à quel point ils sont nuls aux pieux. Ça, c'est sûr que ça leur facilite la vie. Pas d'effort à faire du coup, parce qu'elle ne peut pas s'en rendre compte, elle risque pas de s'en plaindre. Hein. Bon, maintenant qu'on a vu la zone externe de la région génitale, est-ce que tu peux nous en dire davantage sur la zone interne ? Bien sûr, le vagin est légèrement courbé vers l'avant, d'habitude. Et, en cas d'excitation, il s'allonge vers l'intérieur du corps. Je crois qu'il peut arriver, pareil, à peu près à plus d'une dizaine de centimètres de longueur. Ouais. Ce qui n'est pas le cas au repos. Enfin, pardon, ça fait un peu accordéon, en fait. D'accord. Voilà. Au fond du vagin, on trouve le col de l'utérus, qui fait 2 cm d'épaisseur, à peu près. C'est assez dur, puisqu'il est fait de muscles. Et le col de l'utérus est la partie la plus basse de l'utérus, et sert de barrière entre l'utérus, qui est un univers stérile, et le vagin, qui est un univers non stérile. En fait, stérile, ça veut dire il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de virus, il n'y a rien. Et en fait, le vagin, comme il est ouvert vers l'extérieur, il est exposé aux pathogènes extérieurs. Par contre, l'utérus, non, il est nickel. Il n'y a pas de bactéries, ni de virus, ni rien du tout. Le col de l'utérus produit un liquide appelé glaire cervicale, qui varie en texture et en propriétés chimiques au long du cycle menstruel. Est-ce que du coup tu peux nous parler davantage des sécrétions produites dans cette zone ? Oui ! Il y a donc les glaires cervicales dont on vient de parler. Il y a aussi la lubrification vaginale, qui est un liquide moins visqueux que les glaires cervicales. Et il est fabriqué par le rejet d'eau des vaisseaux sanguins dans le vagin. C'est-à-dire que le vagin est vascularisé et les vaisseaux qui entourent donc le vagin et qui le nourrissent vont se vider un petit peu de leur eau à l'intérieur du vagin pour que ça glisse. Les glandes de Schenn, donc on en avait parlé, elles qui sont à la fin de l'urètre, près du méa urétral, ces glandes de Schenn donnent un liquide plus coulant aussi, de nature chimique différente des autres liquides. Il y a bien entendu le sang. Le plus souvent, ce sera le sang menstruel, mais parfois, il peut s'agir de l'agression de la peau du vagin en cas de lubrification insuffisante et si la personne pénétrante y va de façon trop forte. C'est pour cela que certaines personnes saignent à leur première expérience sexuelle vaginale, parce que là où le partenaire n'a pas pris le temps d'exciter correctement la personne, du coup le vagin n'est pas assez lubrifié, il subit des micro-déchirures et il saigne. Il peut aussi s'agir de signes relatifs à la grossesse ou à l'accouchement. Ensuite, les glandes de Bartholin sécrètent aussi un liquide assez coulant, différent de ceux précédemment cités. Il nous reste la sueur, parce que comme partout où il y a de la peau sur le corps humain, on peut avoir de la sueur, on peut transpirer. Enfin, dans le cadre de la grossesse ou de l'accouchement, il y a aussi le bouchon muqueux, ainsi que le liquide amniotique, qui normalement est à l'intérieur de l'utérus, qui peut un petit peu s'écouler par le vagin. Et dis-moi, Sarah, toutes ces sécrétions, ça a une odeur ? Oui. Donc, nous allons citer tout ce qui peut interférer avec l'odeur et le goût de la zone génitale de cet endroit-là en général. C'est pas cité par ordre d'importance, c'est cité par ordre de comme ça m'est venu. En fonction du climat, température et humidité, du moment dans le cycle menstruel, si la personne est réglée ou non, si la personne est ménopausée ou non, de la présence ou non de grossesse, de la génétique, du régime alimentaire, des produits utilisés pour la toilette et pour les rapports génitaux, et s'il y a transition hormonale, voire chirurgicale des parties génitales, le goût et l'odeur de cette zone ont une très grande amplitude de variation, tout en restant dans la normalité. Disons-le clairement, une vulve, ça a une odeur. Voilà. C'est important d'apprendre à connaître son odeur naturelle pour savoir détecter les odeurs anormales qui peuvent indiquer une infection. La vulve est légèrement acide, avec un pH entre 4 et 4,5 en général. Cela permet d'éviter les infections. C'est pour cela qu'il ne faut pas laver le vagin, puisque si on le lave, on change son pH, donc son acidité, et on donne accès à des bactéries qui peuvent se développer dans les autres degrés d'acidité. Ce qui nous amène très naturellement à l'hygiène de la vulve. Est-ce que tu peux nous dire comment on nettoie sa vulve ? Oui. Petit point anti-idée reçue. On n'introduit aucun produit lavant dans le vagin, même pas de l'eau. En effet, il y a un grand risque de tuer les bonnes bactéries du vagin qui le maintiennent en bonne santé, ce qui pourrait créer un risque de vaginose bactérienne ou bien de mycose vaginale. Vaginose bactérienne, une poussée de bactéries méchantes. Mycose vaginale, une poussée de champignons méchants. Pas fun, exactement. Pour la vulve, en gros, on va utiliser de l'eau claire pour le vestibule et les petites lèvres et du savon pour l'extérieur des grandes lèvres. Donc, les endroits avec des poils, savon, les endroits sans poils, eau claire. Ce n'est pas nécessaire de récurer sa vulve avant un rendez-vous médical, car la personne soignante utilise aussi son odorat pour poser certains diagnostics. Et en l'absence d'odeur, elle pourrait passer à côté du diagnostic si vous avez un souci. Enfin, il est recommandé de toujours aller uriner après une activité sexuelle, que cette activité soit en solitaire ou à plusieurs. Et aussi, quand on s'essuie, c'est toujours d'avant en arrière, jamais d'arrière en avant, pour éviter les infections urinaires, du fait du tout petit espace entre l'anus et l'urètre, puisqu'on risque d'apporter les bactéries de l'anus vers l'urètre. Voilà qui conclut notre deuxième émission sur l'éducation sexuelle. Merci Sarah pour ton temps et ses explications. Je t'en prie. Vous pouvez retrouver donc notre précédente émission qui est sur le tabou sur les règles sur toutes les plateformes de podcast. Et donc on vous remercie de nous avoir écoutés. Comme toujours, vous retrouvez nos sources dans la description de l'émission. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Les liens vers nos comptes sont en bas de la description. N'hésitez pas à liker et à partager si vous avez aimé l'émission et si vous aimez notre travail en général. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission du Thé Féministe. Merci de nous avoir écoutés. C'était le TF Podcast, le podcast du Thé Féministe. On se retrouve le mois prochain.